Je sais déjà comment va se passer ma journée dans mon lit. Je vais tout de suite y retourner. C'est seulement dans mes rêves que j'arrive à séjourner. La réalité de la vie, je ferai tout pour la contourner. Ce n'est pas que j'ai pas envie de m'en sortir, mais c'est que je n'arrive pas à sortir de mes cibles. Des objectifs trop placés, je ne peux amortir la chute quand tu te prouves que c'est dans tous les cas impossible. On me dit faut y aller petit à petit, mais je n'arrive toujours pas à trouver l'envie. J'aimerais me réveiller et être habillé. La volonté a disparu comme mes amis. La volonté a disparu comme mes amis.